96.2. La FM en couleur. Pas de parole en l'air. Je t'aime mais je peux te quitter. Briser notre amitié si tu me la fais de travers. Tu me feintes, je peux te dribbler. Te tacler sur le raté, tu connais pas mes galères. Je regarde dans leurs yeux, je peux lire qu'ils essayent de me salir pour ce que je n'ai pas fait. Personne ne pourra me brider. Si le plafond est en verre, ben je vais tout briser. Je t'entends trop parler. Je devrais m'en aller. Je t'entends trop parler. Trop parler. Tu perds ton temps. Fait mal, elle m'a appris. Mais sur une menace, n'arrête pas, Paul Pogba. Dis-toi que dans ce monde, rien n'est acquis. J'ai toujours su me relever comme Benzema. Y'a trop d'ingrats, aucun dégât. Je me suis fait tout seul, je sais qui sont mes gars. Personne ne pourra me brider. Si le plafond est en verre, on compte sur des dés. Je t'entends trop parler. Je devrais m'en aller. Tu perds ton temps. Conseil 96.2, votre émission Groove Tropical, le meilleur de la musique qui nous vient de la Caraïbe jusqu'à 20h. Très très bonne soirée en ma compagnie jusqu'à 20h. Eh bien, on va faire un grand tour avec du compas bien sûr et puis du zouk. Nouveautés mais aussi de très très belles choses en rétro. Rétro zouk, rétro compas. Sur le 96.2, on a dépoussiéré tout ça. Je veux dire qu'on va passer une très très bonne soirée ensemble. De plus, des invités ce soir, normalement, le groupe rap qui sera dans les studios avec moi. Ils nous raconteront tout sur cette nouvelle aventure sur le 96.2. C'était comme une mélodie emplie de... 18h-20h, c'est Chantal qui vous accompagne. Et d'une joie de vivre serait. Tu m'as séduit sans même vouloir vivre. Tu m'as donné t'es pas là, tout est vain, plus rien n'a de sens. Enlevé de ma tête. Je pense à des milliers de choses, mais des centaines parlent de toi. Je suis plus loin. Quand t'es pas là, tout est vain, plus rien n'a de sens. Impossible de t'enlever de ma tête. Et je l'avoue, tu me rends bête. Si vous venez nous rejoindre sur le 96.2 de votre émission Groupe Tropical jusqu'à 20h avec le meilleur de la musique qui nous vient de la Caraïbe. Et puis sur le 96.2, on va continuer comme ça. C'était Calypso en fait, j'ai oublié de vous le dire quand même, même si je pense que vous l'aviez reconnu. Aïe, aïe, aïe. Bon, il ne me laisse même pas le temps de l'annoncer. Allez, Mister à zéro, c'est victoire. 96.2 la bonne fréquence pour un maximum de soleil. Victoire, joue la victoire. En tiers plein bonnet fait, tu fais sévérer. Joue par là, va arriver l'espoir. L'espoir fait vivre. Oui, c'est ça, yo, t'es dis-moi. Toujours continuer. Pas marcher tête baissée, soulever votre vie. En monde qui est en nous cher. Yo ke ouve pa ou, ou ke pe pe chime ou sou pa panse. Ale go! An go gaspe mate ou, mache sou pinga ou, pou pa fe nou kwaj leve. Te men an lè! Se la plezi ya ye, garde la kadans, tout moun an ka chante victoire. Jou la victoire! Nous pas besoin de pompiers. Prends grâce la capille et participer. Chantez pas. Aïe, mon compère, bougez quand. Sans célébration. Prononcez sans façon. Bon, bon, bien, bien. Allez, la Martinique. Passez vous. Bueno, bueno, bueno. Ven para acá, la. 96.2 La FM en couleur. Yo, Richie in the house, aïe papa. Shabba Shay, is that you? Moi, mais ça qu'a fait là en ville. Rock to me! Do you wanna party? Everybody say party! Do you wanna Master, revela o corpo. Check it. Baguette chita, baguette chita. Campé, campé. Baguette couché, baguette couché. Levé, levé. Voyez matin, voyez matin. Jeté, jeté. Après semaine étudiée pour nous tester. C'est baguette nono, baguette nono. Oh no, oh no. Voici son coulé, son coulé. Coup de l'eau, coup de l'eau. Fini notre fille, notre fille. Si wow, si wow. J'avais dit sous la sépa de l'ocla. Depuis vendredi, il y ça. She's signing out, y'all. Peace and love. Where the body at? mwen senti mwen béni. Même nan problème, baby girl, mwen pa tout dit. Passé belle nuit, ça pas suffit. En plaisir ou faire rire sans soupir. Ou bon côté ma qui ont prestige. Ça mwen quoi le faut placer en vestige. Mwen fait faire vivre ma verre, nan respect, nan douleur. Pas gué menti, c'est ça mwen envie. Baby, mwen envie. S'assurer certain baby que moi mère trop. Moi qui adore l'amour 24 sur 24 non-stop, non-stop, non-stop. Bébé moi envie. Conscience 96.2, votre émission Groupe Tropical jusqu'à 20h. C'est Chantal qui vous accompagne et c'est le meilleur de la musique qui nous vient de la Caraïbe. Petite séquence hommage à Apollo Albin avec ce titre Vagabond. Mais écoute-la, m'en parlez ça. FM en couleur. Abandon original de mon cœur. passion qui joue dans mon cœur. Stéphanie J dans votre émission Groupe Tropical avec ce titre, tout le beau titre d'ailleurs, un single, ma partition sur le 96.2. Eh ben, d'une nouveauté, une petite page rétro avec Cyrielle et je suis sûre que vous allez vous rappeler de ce titre. Avant de contrer, si vous êtes sa première fois, moi, 18h, 20h, votre émission Groupe Tropical, c'est Chantal qui vous accompagne. Thank you. fait un moment que je fréquente les boîtes de nuit et les spot bars. Et pour une fois, je me suis trouvé sidéré devant une telle beauté. S'agit-il de destin ou de cet hasard que nos regards ainsi se sont croisés ce soir? Aide-moi à comprendre pourquoi nous deux à cet endroit, dans ce jour-là, cela reste encore un mystère. Aide-moi à comprendre pourquoi nous deux à cet endroit, tes amis racontent que tu ne voulais même pas venir. En sortant, je ne suis jamais dit que ce jour serait plus que béni. Je suis l'homme qu'il te faut. Je ne suis jamais. zombi mwen yon manve L'esprit yon mwen pa karete Tourne, tourne Fèmè desye pou mwen dami Ou tout ki panse mwen pe fui Mè l'esprit yon mwen pa karete Tourne, tourne E mwen la ka imagine Kè ou jan erè an dok ki mwen E ou kouche an debay Pe ke si mwen te plis detay Si les réseaux qu'a espionné, qu'il est qui t'en ou connecté. Si vous aussi ou pas qu'à dormir, si vous qu'a songé moins chéri, dans le vide tombant pas du sommeil, mais qu'on zombie moins à mon veille, l'esprit à moi voulait pas arrêter. Tourner, tourner, fermer des yeux pour moi dormir, tout qui pensait moi béfui, mais l'esprit à moi qu'a continué. Tourne, tourne, album photo mwen jaïse, gajan ou bel, gajan ou fré, a souvent oublié d'oubli, t'es capable l'amour pour acquis, tout petit moment que nous passons, tout petit côté que nous allons, à tellement mwen ka oubini, à tellement envie de voir chez lui. Sentir ta chaleur me chauffe Laisse-le tomber en paix pas. Alors, celle 96.2, c'est une nouveauté. Ça fait à peine un mois que c'est sorti. Il y a déjà une version compas. En tout cas, c'était À genoux, interprété par Meryl sur le 96.2. Allez, restez bien calés sur la bonne fréquence avec un maximum de soleil. Tout de suite, eh bien, c'est monsieur Yanni Martelly avec Kenny du groupe Jacoute. Sexy pour la caille. Ça, c'est l'état de m'l'or avec diamant. 18h-20h, votre émission Groupe Tropical. C'est Chantal qui vous accompagne. Ça fait si toutes amies, moi, après, t'es un imbécile. Je m'en j'ai le boisé, le bagage, ça va foutre illégal. Tellement mauvais, même la police, pas vite les balles. Quand mon s'est passé, yo, dis lui bloqué toute ville. Pas besoin de faire les mêmes salles, même les boum chill. Game bagay. Ouais, mon cher, chargé bagay. Game bagay. Quel côté pour bon bagay. Game bagay. Oui, mamzelle, chargé bagay. Game bagay. His girl is a blessing. Blessing. She give me the loving. Lovina. She call me a loco boy, me a call her Angelina. Me tell her, say she dangerous more than gasoline. From some of all natural, if you neck better, well, say my zoom give up for welly bumble. Let my brother come down, my way fly, cause what's up, you grab the face and me make it humble. The shanty where they be say, go tell my say, the blood that's in a bill for your humble. I ain't this girl, a fire. And you tell somebody, please, you're the bumble. Game bad guy. When Michelle charge bad guy. Game bad guy. Get côté pour bon bad guy. Game bad guy. Oui, mamzelle charge bad guy. Game bad guy. Mamzelle charge bad guy. Charge bagay. When Moshe charge bagay. Game bagay. Get côté pour bon bagay. Game bagay. Game bagay. When Moshe charge bagay. Game bagay. Get côté pour bon bagay. Game bagay. Moshe charge. Tout sucre, tout miel. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Je sais que je n'ai pas toujours été attentif à ce que tu désirais sans réaliser. Moi tu t'éloignais. Toutes les larmes que tu as versées, les souffrances que je t'ai infligées, si je pouvais, je les effacerais. Je ferais tout ce que tu voudras, je te jure, de changer rien que pour toi. Je ne pourrais pas vivre sans toi. Sans soleil, une nuit sans étoiles, parce qu'elle me connaît, sans ou moins pas en l'air. Moi connais, moi faire ma zéré, que nous pas qu'à changer le passé. J'ai eu bon, moi chance, moi. Marcellus. m'en virele. A tiè non rivole, les sol. Mon pas mon thème, c'est bon gauche m'en vie. Balance, m'en vie tuye, m'en virele. Miami, m'en vie. Tu racontes ciel, comme diraient les jeunes, nous kiffent. Bon, petit retour en arrière, bien sûr, vous l'aviez bien compris. L'album date il y a une dizaine d'années. C'est Design en live avec ce titre Cobaya. Bon, en tout cas, moi, j'adore. J'ai même pas envie que ça se termine, finalement. Et on va profiter de ce petit internet pour souhaiter une très très bonne santé au groupe Frappe et surtout aux chanteurs libres, puisque ben, c'est malade, ils ont la grippe. D'où leur absence ce soir, mais c'est pas grave, ce n'est que partie remise, t'inquiète pas, Philippe. Ben, en tout cas, bon courage à toi et puis surtout, surtout, remets-toi bien. Je vous embrasse les garçons et peut-être à samedi j'espère pour votre concert du côté du Orléans Club Jazz, je crois que c'est ça qu'on dit. h20 groupe tropical, c'est Chantal qui vous accompagne. Je t'aime. l'essentiel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. En panier château, en panier bateau. En kéménère, pointe des châteaux. En panier diamant, en panier bijoux. En kéménère, brochet du diamant. C'est pas circulé, sans permission. Moi pas comédien, moi pas artiste. Sans qu'il fasse sourire, l'air qu'il vit. Alors, venez, bon, moi qu'il fait ça ou n'est, ça ou envie. Alors, venez, côté, moi, en qu'il aime, sans faire magie. Changer, il ne me reste que des souvenirs. Crois qu'on va devenir. terre. Faudrait brûler ce qu'il reste de nous. Je sais que je me fais du mal, mais je peux pas m'en empêcher. Je l'avoue, comment tirer un trait sur le cœur. Pour moi c'est douloureux, comme si ça datait d'hier. Je dois balayer les souvenirs qui restent. Tout est bon, mais j'aurais dû tout laisser. Je l'aime, pourtant j'ai tout blessé. Et malgré tous mes efforts, rien n'a changé. Sous-titrage Société Radio-Canada. Belle nouveauté pour vous dans le 4 sur le 96.9, votre émission Groove Tropical. C'était le tout dernier album d'Harmonique avec ce titre Identité. 96.9, la bonne fréquence jusqu'à 20h du compas. Bah oui, rien que ça. Avec tout de suite, ça c'est un vieux truc, mais alors on adore Original H. Moi désolé. Tout de suite après, un petit jour. Ah ouais, chose motivée. 18h, 20h, groupe tropical, là, c'est Chantal qui vous accompagne. Campé déjà plus les compter. Je remercie des parce qu'on a la santé. Je monte pas, baby, sinon il y aura trop de débats. Allez, trop talent. Depuis le vent de rose, il n'y a trop talent. Ce mec m'a dit je t'aime, mais c'est trop bas. Cette bitch m'a dit je t'aime, mais c'est trop bas. Mais c'est trop bas. Yo, Judas. Précis comme le sable d'un Yakuza. Si tu marches, oui, tu baises et tout droit. La carte est blague, disons alléluia. Yo, Judas. Précis comme le sable d'un Yakuza. Si tu marches, oui, tu baises et tout droit. La carte est blague, disons alléluia. Baby, je le t'aime. Baby, n'y pas tu me. Rêve en Lamborghini. J'ai une sous ça. Campé dans la mort. Parmi les femmes, les femmes. J'ai une sous ça. Campé dans la mort. Baby, je l'étale, vini. Vini, vini, pas timide. Rêve en Lamborghini. J'ai une sous ça. Campé dans la mort. Parmi les femmes, les femmes. Full baby, elle, baby. Parmi les femmes, les femmes. J'ai une sous ça. Je ne fais que prier, prier. Bien, te cago. tout sucre, tout miel. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. La FM en couleur. Je crois que j'ai le droit de suivre. celle que tu prends dans tes bras. Mais dis-moi ta femme, que pense-t-elle de tout ça? Est-ce qu'elle sait que t'as connu mes drames? Toi a changé. Eh bien voilà, il est presque 20h sur l'FM tout en couleur. Il est l'heure pour moi de vous quitter. Je vous retrouve jeudi prochain, bien entendu, entre 18h et 20h pour une nouvelle émission Groupe Tropical. Merci de votre fidélité au 96.2 et Arc-en-Ciel, bien sûr. Je vous souhaite à tous un très très bon week-end et à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, le groupe Rap sera quand même au rendez-vous fixé à Orléans, au club de jazz. Voilà, samedi soir. Ils devaient venir ce soir pour nous raconter tout ça, leur projet. Malheureusement, la grippe est passée par là, donc voilà, bah écoutez, c'est pas grave, ce n'est que partie remise. Et ben, à la semaine prochaine, bye bye. Sentiment de plus réduit en 10 amis. Nous qu'on n'a pas l'eau pas comprendre ma bande de 600 bourrées pas prenez. Nous qu'on va nous évacuer de lundi pour nous réveiller au vendredi. Ben, dans mon temps pour y'en corde, nous chacun mais au moins pour nous réveiller. Ben, chérie, va qu'on m'en relation, pas jamais fait comme ça. En côté qu'est pour ne pas perdre dans ça. Moi pour qu'on m'a la bonne décision ça. Baby, font j'en pour nous sortir dans le bichard. baby, no, no, no. La FM en couleur. Uma hora 6 nos Açores. Em destaque nas notícias. Depois do ouro e da prata nos Olímpicos, Yuri Leitão conquistou há pouco o título de campeão europeu na corrida por pontos de ciclismo de pista na Bélgica. Está fechada a primeira remodelação no governo da AD. Esta tarde tomaram posse 6 novos secretários de Estado. Juízes e magistrados do Ministério Público elogiam as medidas aprovadas hoje em Conselho de Ministros para a área da Justiça. 13 graus agora em Ponta Delgada, 14 Porto, Lisboa e Faro, estão 18 no Funchal.